Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Taïeb, nous poursuivons donc aujourd'hui, toujours dans le kitab al-Tawhid al-Aqidah, fi bab ma ta'alluq bi umur al-Akhirah, qui touche à la chose de la vie dernière. Qala, fi suwal al-Wahid wa arba'in ba'd 341e question. Man hum amatu ahl al-Jannah, qui sont la plupart des gens du Jannah. Qala, الدعفاء والمساكين les faibles et les pauvres. والدليل عن هذا عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجت النار والجنة فقالت هذه يدخلني الجبارون والمتكبرون وقالت هذه يدخلني الدعفاء والمساكين فقال الله عز وجل هذه أنت عذابي أعذب بك من أشاء ومن أشاء وربما قال أصيب بك وبك من أشاء وقال لهذه أنت رحمتي أرحم بك من أشاء ولكل واحدة منكما ملؤها والحديث متفق عليه. Que le paradis et le feu débattront l'un envers l'autre. Et que le feu dira, moi, n'entrera en moi que les gens orgueilleux et les tyrans. Et le paradis dira, n'entrera en moi que les faibles ainsi que les pauvres. Ou plutôt, ce n'est pas que, on va dire, entrera en moi les faibles et les pauvres. Non, parce qu'il y a des gens qui sont aussi forts et également qui sont riches qui entreront au paradis. Donc ce n'est pas exclusif que pour eux, mais ce sont les gens les plus nombreux qui rentreront. Et que Allah Azzawajal dira au feu, toi tu es mon châtiment et par toi je châtierai qui je veux. Et il dira au paradis, toi tu es ma miséricorde et par toi je faisai la miséricorde à qui je veux. Non. Donc là, c'est une consolation pour ceux qui sont sur le bas monde, qu'en obéissant à leur Seigneur, se voient privés de beaucoup de choses. Et se voient, comme on dit, rabaissés par les gens, les mutakabbirin, les jabbarin. À savoir que cela n'est qu'un temps. Et que, al-akibatu les muttaqin, que la bonne rétribution sera pour les pieux. Les gens se moquaient de Nour, alayhi salam, quand il faisait son arche. Et au final, qui est-ce qui s'en est sorti? C'est Nour et sa famille. Et les autres qui ont fini par périr, tous noyés. Wallahi azabillah. Donc ne pas se dire, on se moque de moi, je suis lésé, rail zalika. Si c'est fisabilillah, il n'y a que du hajj pour toi. Car toute chose qui touche le muslim, comme tristesse, ou comme mal, ou comme fatigue, comme éreinte, ou rail zalika, Allah lui pardonne par cette cause-là des péchés. Et au final, on regarde bien quand on a le résultat, s'il patiente, et qu'il y a retafé bel hajr, il finira au Jannah. Ensuite, يقول المؤلف السؤال الثاني واربعين بعد 300. 342e question. من هم عامة أهل النار؟ Qui sont la plupart des gens du feu? قال النساء والعياذ بالله, ce sont les femmes. Ce sont les femmes. والدليل حديث عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. Donc le hadith on l'avait pris dans le verset précédent prouvant l'existence du feu et du paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, j'ai vu dans le paradis et j'ai vu que la plupart de ses habitants, c'était les pauvres. Et j'ai vu le feu. Et j'ai vu que la plupart de ses habitants étaient les femmes. Et nous le disions souvent, qu'également dans le paradis, les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Car il y aura pour chaque fils de Adam, au moins deux femmes parmi les filles de Adam, alayhi salam. Mais cela ne veut pas dire que cela est une égalité. Car au feu, il y aura bien plus, et bien plus, et bien plus de femmes encore. On a juste à voir dans cette dunya que les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Cela est connu. Et même viendra un temps, comme dans un hadith est venu, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'un homme s'occupera de 50 femmes. 50 femmes à lui tout seul, tellement elles seront nombreuses. Donc il va de soi que ces femmes finiront, par celles qui ne sont pas pieuses, et qui ne sont pas mustaqima, qui sont bien évidemment les plus nombreuses, finiront par finir au feu. Wal'iyadhu billah. Donc que les femmes fassent attention à cela, et qu'elles soient parmi celles qui doivent encore plus se méfier des ruses de shaitan envers elles, pour ne pas être une source de fitna pour les hommes. Et une source d'égarement pour les autres. قال في السؤال الثالث واربعين بعد 300. 343e question. من هم وقود النار؟ Qui sont le combustible du feu? قال الناس والحجارة. Sont les pierres ainsi que les hommes. C'est-à-dire le feu de l'enfer, dont le feu n'est pas semblable, similaire à celui de cette dunya, qui est 70 fois plus puissant et qui est noir, son combustible, la chose qui le fera vivre, ce sont justement les corps des hommes ainsi que des pierres. والدليل قوله تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين Et si jamais vous ne le faites pas, vous ne saurez le faire, c'est-à-dire venir avec un verset équivalent, ou encore un comme celui d'Allah Azzawajal. Il dit alors, craignez le feu, celui dont le combustible sont les gens et les pierres qui étaient préparés pour les mécréants. Sourate Al-Baqarah, verset 24. Ce qui prouve également que, également parmi les Adillah qui montrent que le feu existe dès maintenant. Qu'Allah ou Iddat al-Kafirin, qui était préparé pour les mécréants. Fuma Qu'Allah fi Sual Arabiya wa Arba'in par Salah Semiya. 344e question. Hal al-Kafir yadkhulu al-Jannata in kana min al-Muhsinin. Est-ce que le mécréant rentrera au paradis s'il est parmi les gens bienfaisants? Abadan, ça sûrement pas. Contrairement à ce que des gens s'imaginent qu'il faut faire du bien pour entrer au paradis. Non, pour entrer au paradis, il faut être un croyant mouahid. Avoir cru, avoir eu la foi complète, avoir œuvré, et surtout n'avoir rien à soucier à Allah Azzawajal, l'avoir unifié dans l'adoration. D'accord, là, le mécréant n'entrera jamais au paradis. D'ailleurs, dans le Coran, Allah le dit bien, qu'il ne saura pas ouvrir les portes du paradis tant que le chameau n'entrera pas dans le trou de l'aiguille. Donc c'est une chose qui te laisse vraiment désespérer, que cela n'est pas possible. فالدليل قوله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وما واه النار وما للظالمين من أنصار. Le sens où Allah dit, c'est celui qui associe à Allah, Allah lui rendra interdit le paradis et son refuge sera le feu et il n'y a pas de secoureur pour les injustes. Al-Ma'idah, la table servie, verset 72. Dans le hadith d'Abu Huraira, quand le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة وفي رواية مؤمنة, que seuls rentreront au paradis une âme musulmane ou croyante. Et quand on parle de la croyance, on parle de la foi, la vraie foi dont on parle actuellement, et pas la foi que prétendent les gens du livre. Donc les mécréants, le seul bien qu'ils font en ce bas monde leur vaut du risque, et leur vaut peut-être certaines choses, certains avantages. Mais Yom al-Qiyamah, tous leurs actes seront vains, quel que soit le bien qu'ils aient commis, qu'ils aient accompli, ils ne seront verront rien du tout. Tant qu'ils n'auront pas cru en Allah, comme il se doit, qu'ils n'auront pas suivi son messager, sallallahu alayhi wa sallam. ثم قال في السؤال الخامس والخامس وأربعين بعد ثلاثمية 345 question. هل يخرج أصحاب التوحيد في النار؟ Est-ce que les gens du Tawhid seront éternellement au feu? Pour ceux qui seront châtiés, qui méritent un châtiment que Allah voudra leur faire subir pour des péchés qu'ils auront commis cette dunya, est-ce que ces gens-là resteront éternellement au feu? قال لا بل مالهم إلى الجنة. On dira non, ils finiront par sortir et aller au Jannah. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير متفق عليه. Que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit sortira du feu ceux qui auront dit la ilaha illallah et qui auront ne serait-ce qu'un grain de froment dans leur de bien dans leur cœur. Sortiront du feu ceux qui auront dit la ilaha illallah et qui auront dans leur cœur le poids d'un grain de maïs de bien. Et sortiront du feu ceux qui auront dit la ilaha illallah et qui auront dans leur cœur le poids d'un atome de bien. Et cela ne veut pas dire que ces gens-là n'ont pas fait d'acte de bien, car il a bien dit celui qui aura dit la ilaha illallah, c'est-à-dire qui aura suivi les conditions de la ilaha illallah également. Ce n'est pas la simple progression de la langue, mais également les actes qui vont avec. Donc bien évidemment, ne pas croire que celui qui n'aura pas agi et qui aura juste dit la ilaha illallah entrera au paradis. Non, il y a des actes qui vont avec. Aussi minimes soient-ils, il y a des actes qui sont obligatoirement à faire. Pour être considéré comme étant un muwahid, ceux qui ont unifié Allah dans l'adoration. Car comment dire que tu as adoré Allah, que tu es quelqu'un qui a unifié Allah dans l'adoration si tu ne l'as pas adoré? Tu n'as rien accompli comme adoration. Tu ne l'as pas adoré. Non. Thumma qala fi su'al as-sadis wa arba'in ba'd thalathmiya. 346e question. هل اليهود يؤمنون بالنار؟ Est-ce que les juifs croient au feu؟ فقال يقولون إنهم سيدخلونها أياما معدودة ثم يخلفهم فيها المسلمون. Donc les juifs, est-ce qu'ils croient au feu de l'enfer? Eux ils disent qu'ils prétendent qu'ils entreront un temps au feu puis en sortiront et qu'après ce sont les musulmans qui rentreront. والدليل قوله تعالى وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قول اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. Ils diront le feu ne touchera que quelques jours. Dis, avez-vous donc pris un engagement envers Allah Azzawajal et que Allah n'enfreindra pas son engagement, ou alors vous dites sur Allah ce que vous ne savez pas? Sourate Al-Baqarah, la page verset 80. Là il parle sur Allah sans science. Bien évidemment les Yahoud sont des mécréants et seront faits éternellement s'ils meurent sur leur mécréance sans se repentir et entrer en Islam. ثم قال في السؤال السابع والأربعين بعد 300 347 question. من أول الأمم دخولا للجنة؟ Qui est la première communauté qui entrera au paradis? قال أمة النبي صلى الله عليه وسلم, c'est-à-dire les gens de l'islam qui ont suivi Mohammed صلى الله عليه وسلم, qui est la dernière des communautés et la meilleure des communautés. والدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون والأولون يوم القيامة ونحن أول من يدخل الجنة. رواه مسلم. Que le prophète sallam, il a dit nous sommes les derniers, c'est-à-dire la dernière communauté à être venue sur terre. وَالْأَوَّلُونَ يُمَ الْقِيَامَةِ et les premiers qui rendront des comptes. C'est-à-dire les premiers qui seront jugés. وَنَحْنُ أَوَّلَ مَنْ يَتْرُ الْجَنَّةِ et les premiers qui entreront au paradis. Et également, ils seront les premiers à traverser le pont. Comme a dit le Nabi sallam, وَنَا أَوَّلَ مَنْ يَجُوزُهُ مِنْ أُمَّتِهِ مِنْ الْرُسُلِ بِأُمَّتِهِ مِنْ الْرُسُلِ. Je serai le premier à traverser le pont avec ma communauté. Donc c'est parmi les mérites de cette communauté. Qui est la meilleure de toutes les communautés? قال في السؤال السابع والأربعين بعد 300 من هو الذي يستفتح باب الجنة وأول من يدخلها؟ Qui est le premier qui demandera que la porte du paradis soit ouverte et qui sera le premier? Qui est le premier qui entrera? والجواب c'est le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم. والدليل حديث أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح فيقول الخازن من أنت فأقول محمد فيقول بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك. Donc dans le hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a bien dit que je viendrai aux portes du paradis le jour de la résurrection et je demanderai à ce qu'elles soient ouvertes et le gardien du paradis me dira qui es-tu, je dirai je suis Mohammed. Il dira c'est pour toi qui m'a été ordonné de n'ouvrir à personne d'autre en dehors de toi la porte du paradis auparavant plutôt non. Qui m'a été ordonné de n'ouvrir à personne avant toi les portes du paradis. Et cela ne veut pas dire que le prophète sallam n'est pas déjà rentré au paradis, ou réel zalika. Cela veut dire que sûrement, Allahu a'lam, le premier à rentrer pour s'y installer et y rester éternellement. Peut-être que c'est le hadith qui veut dire cela, que le prophète sallam est déjà rentré au paradis auparavant. Thumma qala, ta'ifana kifuna al-yawm, inshallah, alhamdulillah, khazna khayran kathiran. On a pris ce qui suffit comme bien. On poursuivra par la suite. Bismillah ta'ala. Walhamdulillah.